propose aux gens d'aller faire dehors et puis ils vont. Je pourrais même leur dire que je l'accompagne et que c'est 60 euros dans le sens. Marthe, c'est pas un jeu de fléchettes qui transperce la couche d'ozone.